Ah, pas de meilleur que de ne rien faire. Bah, bonne nuit, les gars. Hein. Ah, le soleil chauffe, la peau brûle, et les grains de sable jouent avec les doigts de pied de mon pied, car je n'ai pas de doigts de pied ailleurs, quoique. Ma main droite touchant ses pieds, une invincible force me force à remonter vers le bas de sa cuisse droite. Et l'index de ma main joue avec l'élastique trop tendu de son cache intime, trop serré pour être gardé. Sans soleil, brisant l'élan dû à l'âge de ma peau. J'ouvre les yeux, mauvais encontre. Ce satané cache chaleur. Allongé sur le sable, elle est debout près de moi. J'ouvre les yeux, mauvais encontre. Ce satané cache chaleur. Collé sous ta peau.